travers ces jeux qui toujours dû m'y recréer, à travers les écueils des souvenirs acides, vers la survoile de mes yeux se sont gonflés, loin derrière les rivages d'un cœur trop vide. L'esquive, je m'en vais vers l'avenir. Vers quelle étoile, vers quel terre inconnue. L'Amérique de mon âme me fait languir. Par-delà l'océan des bonheurs attendus. Traverser Odyssée d'une âme en errance, traverser demain peut-être j'accosterai, traverser c'est là que ma quête commence, sur la terre inconnue de mes rêves insensés. Traverser.